qu'il a contribué à faire star et qui est aujourd'hui la seule à pouvoir le sortir de la faillite. On the 20th Century était de nouveau à l'affiche au printemps à Broadway avec l'épatante comédienne-chanteuse coloratour Christine Chenoweth. Et c'est ce spectacle que nous avons mis ce matin sur la grande affiche de la 42e rue, le brunch de France Musique au goût de comédie musicale. Avec aussi un rendez-vous que je vous donne dimanche prochain, ici même, en direct et en public pour notre prochain cabaret, nous recevrons une troupe qui improvise les comédies musicales, la troupe New. L'entrée est libre, mais vous pouvez réserver à l'avance vos places sur maisondelaradio.fr. L'ouverture des portes est à 10h30. Et puis vous pouvez toujours nous envoyer vos idées de titres pour le spectacle qu'ils créeront. Nous mettrons toutes les suggestions reçues dans un chapeau et nous tirons au sort un titre dimanche prochain à 11h. Tympante. Et maintenant, que diriez-vous d'un petit numéro de claquette ? She was a gal they called a chippy. She was a gal that they knew too well. She was a miss in Mississippi, but now she's a mademoiselle. Her name was Mame. To France she came. Now Mamie is Mimi, the toast of the Rue de la Paix. Her clothes are chic. Her men are weak. Now Mamie is Mimi, a baby they call a bébé. With a terrific sense of humor and a tight dress, she was a hit the day she hit Paris. But there's a most persistent rumor, she'll never say yes, never say yes. Only will say oui, oui, oui. Blasé, bizarre. She's now a star, a filly, a dilly, who used to pitch through the former Mamie is Mimi, the toast of the Rue de la Paix. We'll be right back. Mamie is Mimi, un numéro de la comédie musicale Les Hommes préfèrent les blondes, pas la version film avec Marilyn Monroe, mais la version remontée l'an dernier à New York avec notamment Megan Hilty sur une musique de Julie Stein. On a appris cette semaine la disparition de la réalisatrice Chantal Akerman. Eh bien, elle s'était essayée à tous les styles et même la comédie musicale. C'était en 1986, un film moins radicaux que ses films des années 70. Ça s'intitulait Golden 80s, l'histoire de trois filles amoureuses du fils du propriétaire d'un magasin de vêtements. Un film avec Lio, Fanny Contenson, Charles Denner et Delphine Seyrig. Un film très empreint de Jacques Demy qui se déroulait entièrement dans une galerie marchande avec des personnages, on peut dire amoureux de l'amour qu'il espérait, le loupait, le recroisait, et avec notamment ce cœur de shampouineuse qui apprennent que leur patronne a couché avec le jeune homme. C'est quasiment un ballet. Merci, au revoir. Et alors? Tu sais pas, Lily couche avec Robert. C'est pas vrai. Tu sais pas, Lily couche avec Robert. Ah, et tu sais, Lily couche avec Robert. Oh, tu sais pas, Lily couche avec Robert. Hein? Oui. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Ils sont vraiment des salons. Pauvre madame. C'était trop bon pour être vrai. Les hommes sont tous des salons. Les hommes sont des hommes. Mon mari une fois. Le mien aussi deux fois. Pauvre madame. Pauvre madame. Demande à Pascal. Il y a rien vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi. Oh, rien qu'un bruit. Stupide. À propos de Lily. Quoi à propos de Lily? Lio dans Golden 80s de Chantal Akerman. C'est elle qui avait écrit les paroles de toutes les chansons du film et les chansons ont été signées pour la composition Marc Erway. Place à la grande affiche de la 42e rue. Alors ce matin, c'est une comédie musicale de 1978 qui est signée par des grands de Broadway. Il y a d'abord Betty Comden et Adolph Green, les auteurs du scénario de Chantons sous la pluie, mais aussi de On the Town, la première comédie musicale de Leonard Bernstein et Jerome Robbins. Il y a Cy Coleman, compositeur jazzy, notamment de la chanson Witchcraft de Frank Sinatra et de la comédie musicale Sweet Charity. Et puis, comme metteur en scène, Harold Prince, à qui on doit toutes les premières comédies musicales de Stephen Sondheim, comme Sweeney Todd, et même certaines d'Andrew Lloyd Webber, comme la mise en scène de Evita et du Fantôme de l'Opéra. Montou donne une comédie musicale à la frontière entre l'opérette et la farce, qui se déroule entièrement dans un train luxueux, le 20th Century. Et celle qui arrive là, dans le spectacle, c'est une vedette du showbiz. Elle s'appelle Lily Garland. It's Lily Garland, Lily Garland, Lily Garland. My heart, hammer, feel my pulse quicken me and her on this train together. Watch my hands tremble here, my voice thicken me and her on this train together. I'll be with Lily Garland. Right here with Lily Garland, my Lily. We'll travel close together all across the land. Together. We're almost hand in hand. Together. It's more than I can stand. You know my favorite star is not so very far. As somewhere there a scent will fill the air. She'll change her dress. She'll comb her hair for lucky me. Oh, can it be? Oh, I see. Ken Bloom est historien de la comédie musicale. Il vient d'éditer un passionnant CD sur l'œuvre de Cy Coleman où le compositeur au piano interprète ses propres créations. Je l'ai rencontré à New York. Pour Ken Bloom, cette comédie musicale, On the 20th Century, c'est un monument. Moi, je dirais que On the 20th Century, c'était la dernière grande comédie musicale de Broadway. Il y en a eu d'autres formidables par la suite. Il y a eu des spectacles extraordinaires de Sondheim, mais On the 20th Century, il y avait tout, les décors, les costumes, la mise en scène, les artistes, tout ça, c'était cohérent. Et Hal Prince, qui à l'époque était à l'apogée de son talent, en a fait un concept. L'ensemble du spectacle devait se dérouler dans le train. Il y avait aucune scène en dehors du train, sauf au tout début, le porteur sur le quai. Mais tout était dans le train, à bord du train. Et c'était tout à fait spectaculaire, cette production. On voyait des wagons, les wagons se déplaçaient, les cloisons se déplaçaient, les décors se déplaçaient, il y avait des angles de vue différents, on voyait des petits trains électriques en bord de scène qui traversaient la scène, on voyait la locomotive avec la lumière qui s'allumait vers les spectateurs, ça venait vers l'orchestre, c'était vraiment, vraiment fantastique. Et c'était un véritable concept, cette comédie musicale. Même chose pour Company, Sweeney Todd, Cabaret et tous ces spectacles de Hal Prince. Pardon me, but I'll be late. I've got to catch my subway train. Pardon me, thanks a lot, but Mr. Jaffe, you're insane. Goodbye. Pardon me, see I got my folks. What I earn pays the rent. Pardon me, and thanks a lot, but Mr. Jaffe, I'm content. Uh-huh. Did you really think I could do it? Here, begin reading. General Otto von Bismarck's quarters outside Paris, enter Veronique Larue in her simple garb as a singer of the street, smarting under her refusal to give herself to him. Bismarck threatens to destroy Paris. Veronique feels her power and stands her ground with fiery pride. Go on, continue. Okay. Veronique, she wink an eye. Veronique, the bullets fly. Veronique, she close her door and start the Franco-Prussian War. I don't know what that means. Veronique, the femme fatale, Véronique, the fleur du mal, Véronique, Véronique, Véronique, Véronique. Phénomène, hein, cette Christine Chenoweth au printemps à Broadway qui reprenait le rôle de Lydie Garland dans la reprise de On the 20th Century, la comédie musicale de Cy Coleman. Alors, Lydie Garland, dans le spectacle, c'est une star du showbiz. Il se trouve qu'elle voyage dans le même train qu'un producteur qui l'a découverte, mais qui est aujourd'hui au bord de la faillite. Et la scène que nous venons d'entendre, c'est un flashback lors de sa première audition, lorsque Max découvre Lily et lui donne son premier rôle dans un spectacle qui, vous l'entendez, parle de la France. Aujourd'hui, Max et Lily sont en froid, mais le producteur a désespérément d'elle car il est au bord de la faillite. C'est le thème de la première chanson de On the 20th Century. Les associés de Max l'attendent à la gare et se racontent le bide qu'ils viennent de rencontrer ce soir avec leur dernier spectacle. Ça s'intitule Stranded Again. Stranded again, beached again, washed up on the shore like driftwood in Chicago. Like garbage in Chicago, swindled again, screwed again, cheated out of 2 weeks' wages in Chicago, lost coffee. Without delay, ship ahoy, we sail at break of day. Ours not to question, ours not to reason, ours to obey. Back at the hotel, I'll keep busy at the desk. I'll sneak the bags out the back, right, let down the drawbridge while you keep the motor racing. Maybe we'll have to swim the river. Working for Jaffe, though continually bracing, also destroys the heart and liver. What's new today? We're gonna sneak away through a shower of rotten eggs with our tails between our legs on the 20th century, the 20th century, in drawing room. Hey, hey, hey, hey, hey! Andy Probst vient de publier une biographie de Cy Coleman, le compositeur de nombreuses comédies musicales comme Sweet Charity ou Little Me. Eh bien, Andy Probst raconte au micro de 42e rue comment Cy Coleman a composé cette comédie musicale avec ses librettistes Betty Comden et Adolph Green. Eh bien, il disait que la musique sortait de lui. Et cette musique était particulièrement riche. Il est né en chantant très juste, si on peut dire, et il avait l'oreille absolue. Donc les mélodies sortaient de lui. C'était un enfant prodige à l'âge de 4 ans. Il se mettait au piano, il jouait sans s'arrêter. Et Betty et Adolph le pourchassaient avec des magnétophones pour simplement enregistrer ce qu'il produisait. Et ensuite, il faisait les paroles. Donc tout ça, c'était beaucoup d'improvisation, bien sûr. C'est ainsi que Cy, Betty et Adolph travaillaient ensemble. Et là, je vais vous raconter une anecdote qui explique bien qui était Cy Coleman. 15 ans après On the 20th Century, ils travaillaient ensemble sur Will Rogers Follies. Et à un moment donné, il leur fallait de la musique pour le début du spectacle. Donc Tommy Tune était le metteur en scène et il y avait Betty, Cy et Adolph qui étaient là dans le bureau de Cy, et Cy s'est mis au piano et a dit « Et si je vous fais quelque chose comme ça ?» Et il s'est mis à jouer 7 minutes de musique que le directeur musical a dit que c'était un mi-chemin entre Debussy et la conquête de l'Ouest. C'était extraordinaire. Après avoir improvisé pendant 7 minutes, Cy s'est retourné à regarder tout le monde et a dit ben, « J'espère que quelqu'un a enregistré ça, parce que moi, je ne me souviens pas du tout de ce que j'ai fait. » Et dans le livre, il y a des anecdotes racontées par le directeur musical et il raconte qu'au bout du compte, ils se sont retrouvés avec quelque chose qui ressemblait à ce qu'avait fait Cy, mais c'est une pâle imitation. C'est ainsi qu'il travaillait avec Betty et Adolph. Et ça raconte bien l'histoire de On the 20th Century. private world is like a play about a pair of lovers. The plot says only we may enter, and only we may share the light of love state center. Our private world is sweet like this, complete like this, far beyond the throng, sure and strong, we belong together. You opposite me, opposite you, safe on our planet made only for two. Night after night, day after day, living our private to character play. Here and now. Private World, Peter Gallagher, Christine Chenoweth, un duo d'amour comme si Max et Lily se remettaient ensemble et passaient outre leurs différends, une chanson mélodieuse extraite de On the 20th Century, c'est la comédie musicale qui est ce matin sur la grande affiche de la 42e rue sur France Musique. Alors Oscar, le producteur, va tout faire pour convaincre Lily d'être la vedette de son prochain spectacle. Et dans le train, on rencontre un autre personnage, c'est le nouvel amant de Lily. En fait, c'est un acteur qui est autant amoureux d'elle que de la presse qui tourne autour de Lily et peut lui apporter une certaine notoriété. L'un des numéros les plus brillants du spectacle, c'est un duo entre l'amant et le producteur. Chacun admet combien il a besoin de Lily et veut se la garder à soi tout seul. Hello, you. Hello, you. Your flashing wit, your flashing eyes, your brilliant brain, your brutal thighs. These are the tools you've got at your command to make her mine, to keep her mine, to make her mine. Your crooked smile, your inner fire that spells romance, that sparks desire. Cuddly, crunchy, you've got what the ladies cry for. Crafty, cunning, you are what they gladly die for. Talent, genius, you're the stuff that dreams are made of. He-Man lover, what have you to be afraid of? What have you to be afraid of? You're almost perfect, but one thing is true. You need her dead. desperately, but she does not need you. She runs the show. She runs the show. She leads the band. She leads the band. The royal flush. The royal flush. In her hand. Is in her hand. Face it, oh boy, you can't afford to fail. Must not fail. Dare not fail. Will not fail. So flash that wit. And flash those eyes. And use that brain. And use those thighs. 18, 18, break right through the line. There is no stronger challenge than an independent woman. You can do it, you can do it. Got to keep her, got to make her mine, mine. Le printemps dernier, On the 20th Century a été remonté à Broadway. Et pour la première fois, toute la partition a été enregistrée. C'est ce que nous entendons en larges extraits ce matin sur France Musique. C'est Kevin Stites qui était le directeur musical de la production et du CD. Je l'ai rencontré avant une représentation au American Airlines Theater, alors qu'on faisait les essais de jets de vapeur de locomotives. Alors on l'a entendu pour On the 20th Century, Cy Coleman a choisi non pas de composer dans un style jazz des années 30 où se déroule l'action, mais dans un style d'opéra comique. J'ai demandé à Kevin Stites si néanmoins il reconnaissait la patte de Cy Coleman. Non, je ne crois pas la reconnaître en 78 lorsque le spectacle a été lancé, sauf à bien écouter les structures d'accords. Prenons Sign Lily Sign. Cette chanson est un petit peu comme une opérette. Cela dit, les accords sont très typiques de Cy Coleman. Lorsque Lily chante, c'est le pont de sa petite rêverie dans Sign Lily Sign. Là, les accords, ce sont des accords magnifiques de Cy Coleman, des accords de jazz qui sont augmentés et ça sonne très jazzy. C'est des accords 9e, 11e, ce genre de choses qui sont ajouté. Mais c'est pas flagrant. Par ailleurs, ça vous donne cette sensation de l'ambiance 1932-1933 en même temps, bien que l'engouement de l'opérette soit antérieur à cela. Mais ces accords vous remettent les choses en perspective temporelle. Mais le style, c'est celui d'une opérette. Not too fast. This is Mrs. Letitia Primrose. Letitia Astoria Primrose. Mrs. Primrose, meet Lily Garland. How do you do? You're the famous motion picture actress. Mr. Jaffe said I'd meet today. I believe in Oscar Jaffe. My purse strings are open. I'll sponsor him. Sign on the dotted line. Sign, Lily, come back to us. Lily, sign. It's not a contract. It's more like a valentine. Sign it, Lily. Sign, Lily, sign. What a beautiful moment. What a mystical moment. This is more than a contract. It's more like taking the vows. What the hell are you doing? What the hell's going on? I'm reading. A lousy little shame. She's reading. What's that thing? Shh, it's a contract. Shh, it's a contract. It's a contract. Listen, Lily, who remembers who directed Bernhardt, Lily? Who remembers who directed Dusa, Lily? No one will remember I directed you. They'll only think of Lily Garland. You are what they'll write about, Miss Lily Garland. You are what they'll talk about, just Lily Garland. Sign it, Lily, they'll remember you forever. Sign, listen, Lily, Lily, who remembers Lily, who directed Bernhardt, Lily? Who remembers who directed Dusa, Lily? No one will remember I directed you. Lily, they'll sign. Only what think of Lily Garland. Garland. You are what they'll write about, Miss Lily Garland. What the hell are you doing? You are what they'll talk about, just Lily Garland. Sign it, sign it, sign it, sign it, sign it, sign it, forever. Sign it, Lily, sign it, Lily, sign it, Lily, sign it, Lily. Don't sign Lily. Sign it, Lily, sign it, Lily, sign it, Lily, sign it, Lily. Don't sign Lily. Sign it, sign it, sign it. Don't sign. Sign it, sign it, sign it. don't sign. Why am I even considering this? Don't sign it. Is it the $200,000? No, it's more than that. It's something else. Something else. Hear my heart hammer, feel my pulse quicken, he and I once again together. Watch my hands tremble, hear my voice thicken there. Without him, without him, I had to find a way to live my life alone. I call my life my own, but how could I have known that love from way back when would flood my heart again? Then he'd walk in and I'd his string. Lily Sign, un sextet composé par Cy Coleman pour On the 20th Century, lorsque plusieurs producteurs se battent à bord du train afin de faire signer à Lily sa prochaine pièce. Kevin Stites était le directeur musical au printemps à Broadway de On the 20th Century. Il y avait sur scène Christine Chenoweth, que nous venons d'entendre, dans le rôle de Lily Garland, Peter Gallagher dans celui d'Oscar le producteur, et aussi Mary-Louise Wilson dans le rôle de Laetitia, une femme pieuse qui voyage aussi dans le train. Cy Coleman a en fait donné à chaque personnage un style musical et j'ai demandé à Kevin Stites, le directeur musical, de nous décrire le style musical de chacun de ces personnages. Le personnage de Lily, c'est le personnage le plus opérette ou opéra. Il y a des airs de coloratour dans cette production, pas dans l'original, parce que Christine Chenoweth peut le faire. Le premier morceau, Véronique, se termine sur un ré dièse très aigu, ce qui n'existe pas jamais dans le théâtre musical. Rien d'autre ne me vient à l'esprit, attendez. Si, peut-être quelques notes chantées par le personnage de Glinda dans Wicked, simplement parce que Christine Chenoweth sait chanter ça. Donc pour Lily, c'est particulier. Pour le personnage de Oscar, là, on est dans le mélo, si vous voulez. I Rise Again, on est dans des airs de bravoure et tout un tas de choses qui sont... des proclamations. Sa dernière chanson, intitulée Because of Her, avec des nouvelles paroles d'Amanda Green, là aussi, on est dans le théâtral à l'extrême. Et il y a le personnage de Laetitia, là, elle chante un morceau qui s'appelle Repent. C'est un morceau où les strophes sont dans la séduction et il y a le refrain. Elle chante ainsi. Là, c'est tout chromatique, alors que le refrain, là, c'est une gamme, 1, 2, 3. Donc, tout ça pour dire que c'était un génie. On the 20th century, on the 20th century, as in flight across the night America, the beautiful rolls by. All those windows, all those people, all those lives. Across the land, in every home, in humble hut or pleasure dome, I know there's dirty doings going on. The man who seeks the fancy whore, the boy who locks the bathroom door. Ah, yes, I know. Dirty doings going on, and I must spread the word and say you from your fate. You must mend your ways before it's too late. Repent, repent, repent. Stop those dirty little doings, every man and boy and wife. Repent, repent, repent. Stop those wicked little wooings that are screwing up your life. Walk the narrow path, my friends, and keep your thinking pure. Try to lift your minds, my friends, a notch above the sewer. Repent, repent, repent. Reform, reform, reform. Take a nice icy shower when you're feeling warm. In every town we're passing through, beneath a bush, inside the zoo. I know there's dirty doings going on. The devil tempts us every day. The backseat of a Chevrolet could be the place. Dirty doings going on. So heed the simple rule to save you from your doom. Do only what you do with mother in the room. Repent, repent, repent. In the fiery pits of Hades, it's too late for your laments. Repent, repent, repent. There's a fiery pit for ladies and a fiery pit for gents. Now's the time to choose, my friends. The afterlife you'll fit. Waltzing on a cloud, my friends. Or turning on a spit. Repent, repent, repent. Join the angel band. Repent, repent, repent, repent, repent. For the time is at hand. Like you, I once was wild. Men shouted, oh, you kid, a life of shame I led, and dirty doings did. Until one night I saw the light and heard salvation's call. I'm so glad I didn't hear it until I did it all. May seem swell. Reform, recast, return, renounce. Et figurez-vous que Imogen Coca, que vous venez d'entendre dans le rôle de la femme pieuse à Broadway en 1978, On the 20th Century, c'est elle qui, 30 ans plus tôt, prêtait sa voix dans les dessins animés de Tex Avery à la fameuse danseuse très sexy. C'était un extrait de On the 20th Century en 1978. Vous avez également entendu ce matin des extraits du tout nouvel enregistrement qui vient de paraître chez Ghostlight Records de On the 20th Century. Laissez-moi également vous dire que You Fascinate Me So, c'est le titre de la biographie de Cy Coleman écrite par Andy Probst qui est parue à New York aux éditions Applause et que Ken Bloom vient de faire paraître un formidable album de Cy Coleman interprétant au piano ses chansons édité par Harbinger Records. On a tout mis sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. L'actualité, eh bien dans l'actualité, notez jeudi à Paris un concert reprenant des chansons de la comédie musicale de Cole Porter, Kiss Me Kate. Ça sera par l'atelier lyrique Opéra Foucault à l'Institut culturel américain Mona Bismarck. Et puis, toujours à Paris, le retour des Frangines. Le spectacle qui fait revivre les fabuleuses Sœurs Étienne avec Rachel Pignot et Rosalie Simon, c'est à l'espace Essaillon les lundis et mardis. Enfin, puisqu'on a beaucoup parlé d'opérette ce matin, voici une rareté à ne pas rater au théâtre de Caen dans 14 jours. Les Pirates de Penzance de Gilbert et Sullivan, mise en scène par le réalisateur britannique Mike Lee. C'est une production qui avait fait salle comble au vénérable English National Opera de Londres au printemps dernier et qui est présentée avec la même distribution samedi 24 et dimanche 25 octobre. C'est une farce, là encore, autour d'un jeune homme élevé malgré lui par une bande de pirates dont il espère bien se défaire à sa majorité. Un classique de Gilbert et Sullivan qui avait été monté il y a 20 ans à Broadway avec notamment Linda Ronstadt. For shame, for shame. For shame, poor wandering one, though thou hast surely strayed, take heart of grace, thy steps retrace. It is thine. The Pirates of Penzance, à découvrir au Théâtre de Caen les 24 et 25 octobre prochains. Plus d'informations sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. Vous pouvez également nous réécouter. 42e rue, c'est en ligne durant 1000 jours. Vous pouvez nous podcaster durant un an et vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Rendez-vous dimanche prochain en public, en direct au studio 105 de la Maison de la Radio pour notre prochain cabaret avec la troupe New pour une comédie musicale complètement improvisée. Réservation sur maisondelaradio.fr et vous pouvez également nous envoyer des idées de titres à 42e rue@radiofrance.com. Vous y étiez sur la 42e rue proposée par Laurent Vallière, préparée avec Martine Moni. Merci pour la traduction à Xavier Combes. Merci à Alexandre Briard, Charles Barjou, Antoine Giraud. Réalisation Perrine Minguy.